Les ciseaux de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 29 octobre au 4 novembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Alexandra Carignan. Salut, Alexandra. Bonjour, Mathieu. Est-ce que ça va? Ça va très bien aujourd'hui. Oui. Oui. Cool. Moi, le mois de novembre est commencé, je suis contente. Nouveau mois, nouvelle vie. Oui, le mois d'octobre n'a pas été ben il me met pas beaucoup. Non, c'est ça. Fait que tu donnes une nouvelle chance en novembre. Là. Il y a des preuves à faire. Là. Ouais. Il y a la barre est pas très haute au moins. au moins. Donc aujourd'hui à l'émission, on va avoir plein de choses. On fait beaucoup trop de choses pour le temps qu'on a à lui consacrer. Mais on aime ça. Oui, c'est de même. C'est rempli. Donc, on va avoir notre ami DJ Catarzy qui va nous faire sa chronique, évidemment musicale, électronique, tu sais. Comme ça, genre de choses. De la bonne musique, bref. Ben, en général, c'est à peu près ça. David Ferron va aussi être avec nous pour sa chronique Brancher le monde. Il va nous, nous présenter un artiste du monde francophone, Alex Cuba, cette fois-ci. Oh! Connais pas. Mal appris. Connais pas. Et, en fin d'émission, East Road va être avec nous. Eh oui, le groupe Trifluvien, Mauricien, lui est Shawinigan, qui vient de lancer son CD et qui va être en spectacle ce soir à la Chasse-Galerie. Donc, si vous nous écoutez le jeudi live, il sera en spectacle le 1er novembre à 22h. Moi, je serai là si j'étais vous. Ben, tu sais, faudrait pas manquer quelque chose d'aussi grandiose que East Road. C'est vraiment très, très bon. Et on va les avoir en performance dans nos studios plus tard. Mais avant ça, on a quelques nouvelles entrées à entendre. Entre autres, Yann Perrault, The Darkness, East Road et Colin Moore. Mais on va débuter en 20e franco. En 20e franco avec un habitué des ondes, Peter, avec la chanson Carousel en 20e position. J'ai déjà entendu celle-là. Je l'aime bien, moi, cette chanson-là. Oh, miam, miam, c'est des palmarès assez fous. Tu tournes dans ma tête comme un carrousel. Être malade me plaît. Numéro 20. Nouvelle entrée. I am no messenger. But I will give you a message. A message.

octave road. Sunday evening, we finally made it, my friend. We were caught by a friendly policeman. Sunday evening, we finally made it, my friend. The ocean breeze now fills the eastern air. Now we ride to the East Coast. On a ferry to Magdalen Island. We ride to the East Coast, up the road. Road. Et la pièce October Road, nouvelle entrée en 19e place, c'est sur leur album du même nom. Ils sont en spectacle ce soir, 22h, à la Chasse-Galerie. On parle du jeudi 1er novembre. Oui, parce que si vous nous écoutez en rediffusion, vous allez à la Chasse-Galerie, puis il va y avoir rien. Ben, il y a des gens, ils sont bien fins, mais c'est pas East Road. Mais il y aura pas East Road. Et juste avant, on a entendu la nouvelle entrée de Yann Perrault, Acrobate de l'éternité, en 19e place francophone. Excellente pièce, oui. Ça joue vraiment beaucoup en ce moment. Avant ça, en 20e anglophone, c'était The Darkness et leur nouvelle entrée, Nothing's Gonna Stop Us, sur Hot Cakes. Et on a commencé le tout avec Peter Carousel, ou Carousel, une nouvelle entrée francophone. C'est quoi le Carousel? Le Carousel, c'est comme c'est un espèce de quatre roues, mais seul. Fait que ça à la place, c'est un... Non, okay. Je sais vraiment non, pas, j'ai essayé. C'est sur le sol. Peut-être que ça a rapport avec l'humoriste sol. Peut-être ah, des jeux de mots. C'est ça, oui. C'est ouais. Le quatre roues à sol, c'est ça dans le fond. Voilà. C'est le carousel. C'est bon. Le carousel. Il y aura seulement une nouvelle entrée, c'est du côté anglophone en 18e place. La voici, à l'instant. La voici, ça va être Colin Moore avec The Long Road en 18e position. Ton beau Colin Moore. Ton beau Colin Moore. Il nous a joué cette chanson-là dans nos oreilles en direct. I know. Voici la vraie version. Et voilà. De ton palmarès, c'est fou. Out on tour again. Guess it's something I can't help. Heading west on out to Calgary. Give the women there something else. See a man walking down the road and smiling. And offered him a ride into the next town. My friend, but I think I'd rather try my luck and walk this one out. 'Cause it's much better when I take the long, long road. 'Cause I can't bear to miss a thing. I take the long, long road. Just wish you could have brought some of my friends. Tired and my soul's worn thin. Guess it's only so much booze can help. Ain't it's just the state I'm in. Well aware I brought it all on myself. People get lucky living life on the high road. Others have to work hard, have to make it count. When then there's ones like me, you have to make a lot of bad mistakes before we figure it out. But we figure it out, it's just much better. C'était Colin Moore avec The Long Road, nouvelle entrée anglophone numéro 18. Quel homme séduisant. Hein? Quel homme séduisant. Oh, wow. Je l'adore. Donc, tout à l'heure, on continuera avec d'autres affaires et d'autres affaires qu'on va se router finalement. Pour accueillir David Ferron, parce que voici Brancher le monde. Wow. Mmh. Oh. Cette vie n'est pas assez grande pour les deux. Oh. David Ferron, Brancher le monde. On fait cette chronique-là une fois par mois environ. Ouais. Ça fait longtemps? Ça fait même pas 3 semaines. Fait que pour une chronique qui est là une fois par mois, c'est bizarre, là. Ouais, c'est juste moi qui ai pas été ponctuel pour le mois d'octobre, mais le mois de novembre, je suis en plein dedans, le 1er novembre. Joyeux Movember, tous ceux et celles qui vont... tous, ceux qui vont se faire pousser une moustache. Bon. Et pas toi, donc, c'est ça? Ben, pas encore, je sais pas, j'hésite. L'année passée, non. Cette année, je sais pas, j'ai réfléchi. Je sais pas, j'ai pas juste drôle. Moi, j'encourage pas ça. Non, hein? Non. C'est sale, hein? Je sais pas. C'est pas beau. C'est pas beau. J'ai l'impression, ben, moi, j'ai un copain qui le fait tout le temps. Là. Ben, tout le temps. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble, ça fait 2 ans qu'il le fait. Lui, là, j'ai l'impression d'embrasser mon père des années 80. J'aime pas ça. Malaise. Ouais, malaise, en tout cas. Tranche de vie. Mais est-ce qu'il va le faire? Mais non, mais c'est vrai, c'est pas quelque chose qui est tranche de vie, là, tout le monde. Qui est né dans les années fin 80, mi-80. Toutes les pères. A eu un père qui avait une moustache. Point. Bref. Fait que quand tu regardes les photos de ton père dans sa jeunesse ou ainsi de suite, ou quand il tient un bébé, il y aura de la moustache. Ouais. Fait que quand t'embrasses ton chum qui a juste une moustache, ben c'est ça. Ça te rappelle ton enfance. C'est ça. C'est pour point à la ligne. Bon. Hey, mais Alexandra, tu m'as manqué le dernier mois. Ben oui, parce que je travaillais. Elle est triste, elle est triste. Elle en parle depuis ce temps-là et comme j'ai manqué David Ferron. Je suis tout le temps, oh mon Dieu, mais que vais-je faire de ma vie? Bon, c'est vrai que ça clenche pas Colin Moore, mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai pas manqué Colin Moore. Ouais. L'important. Prix de consolation. Donc, David Ferron, qu'allons-nous faire ou encore que ferons-nous dans cette chronique aujourd'hui? Tu as compris le ferons-nous? Oui, okay. J'adore tes jeux de mots. Fait plaisir. Comme Michel Deschênes dirait, tu fais des jeux de mots poche, mais c'est pas vraiment un thème pareil. Il y a du salut. Michel Deschênes, du son, Mathieu. Hey, Michel Deschênes, des oreilles pour écouter les dimanches soirs à 17h. Lui, là, un jour, lui, là. Là. Hey, yes, c'est pas moi qui a fait la plug cette fois-ci. Je te vole ta job. De quoi on parle aujourd'hui, Alex Cuba? Oui, mais en passant, Michel Deschênes t'a dit qu'il trouve super bon pari et que t'aimes bien. Ben, merci, c'est réciproque. Mais il disait ça de même parce que moi aussi, il trouve que mes jeux de mots sont douteux. Il disait ça de même, là, il pensait pas vraiment. Mais je t'aime pareil. Est-ce qu'on arrive au sujet un jour? Oui, ben on parle d'Alex Cuba. Oui. De Alex Cuba, si je peux avoir l'accent francophone. Qui est cet Alex Cuba? Alex Cuba, comme vous l'aurez deviné, vient de Cuba. Donc là, il s'installe au Canada à la fin des années 90, une fois qu'il s'est... En fait, il rencontre une Canadienne à Cuba. Ils s'aiment. Ils se rencontrent. Ils se marient à Cuba. Puis, finalement, Alex Cuba va au Canada pour rejoindre sa femme. Et son frère également les rejoint. Ils forment même un groupe ensemble, c'est-à-dire les Puentes Brothers. Puentes, qui est le vrai nom de famille d'Alex, parce que c'est pas Alex Cuba, mais Alex Puentes. Et donc, ils font un album ensemble. Ça sépare après 2-3 ans de vie commune musicale pour que Alex fasse une carrière solo. En 2004, sort son premier album qui est en fait, Humo de Tabaco. Donc, l'odeur du tabac qui a en fait la pièce titre de l'album Humo de Tabaco a un certain succès en étant dans le top 100 en Angleterre. Donc, ça a été un beau succès niveau Worldbeat. Et là, après ça, il sort deux autres albums. Il fait notamment des collaborations avec une compatriote, c'est-à-dire Nelly Furtado, sur son album Mi Plan, que personne connaît, mais que... Ça existe. Oui, ça existe. C'est comme le dernier album de Nelly Furtado. Il existe. Il est sorti au mois de septembre, en passant. Ben, tant mieux. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas. Cool. On est loin de l'eau. The bigger, the better, on sait, là. The bigger, the better. Ça a tune. Ça a l'air bon. Ah ouais, c'est plein de belles boys. Mais le clip est vraiment... En tout cas, tout ça pour revenir... Cool, ça c'est détaillé, j'aime ça. Ouais, en tout cas, allez voir ça sur YouTube, The Bigger is Better, le clip. En tout cas, ben c'est mieux que la pochette de Noël de Martin Deschamps et de Vic Vogel, mais ça, c'est une parenthèse. Allez googler ça, vous allez voir, vous allez triper. Non. Non. Donc, pour revenir pour Alex Cuba, il sort le 2 octobre, en fait 2 octobre en version digitale, 9 octobre version physique, son quatrième album, c'est-à-dire Widow and El Sistema, qui veut dire que le système est statique, du statique dans le système. Et là, on va écouter de cet album-là, Ruido in El Sistema, la version anglaise de RS2, qui est en fait How Are You, qui est sur la version bonus de l'album. Donc, on va écouter How Are You d'Alex Cuba, tiré de son album Ruido in El Sistema. Reflection when I'm looking in the mirror. Are you really there when you make me see myself clear? Are you the brown in my complexion? Are you the prettiest deception? Are you every planet, every star in every sphere? Hey, is that your bikini or are you string theory? Are you the carnival of my desires? Are you lighting other fires? Are you all of these empty embraces? Are you a mirage or are you gonna be my Sahara Oasis? Are you, is that really you? Are you the razor blade or are you the cream? Are you the nightmare or the dream? Are you someone else's secret? Are you gonna let them keep it? Are you all of these empty embraces? Are you a mirage or are you gonna be my Sahara Oasis? Are you the melody that I sing to? Just gonna be a ghost on a cloud. C'était l'énergique Are You, la version anglaise de la chanson RS2, qui est en fait le premier single de son album, c'est-à-dire Ruido en el Sistema, sorti le 2 octobre. C'est tout? Oui, c'est tout. Déjà terminé? Ben oui. Maintenant, je dois te tuer. Ça fait vraiment... Toi, t'es intense dans tes émotions, hein? Tu y vas pas avec le dos de la main morte. Mais je sais pas de quoi tu parles, Il crie de même, ça. Il y a un méchant énervé, ce gars-là. C'est quoi ça? Sors de mon studio. OK, c'est ça que je vais faire. Au revoir tout le monde. Au revoir Alexandra. Au revoir Mathieu. Je sors du studio avant que Mathieu me massacre. Ça a l'air vrai, tout ça. Il est vraiment comme en train de s'en aller. Ouais. Donc, salut de loin, là. Salut! Ces histoires sont pas assez longs pour le faire. Salut de Jean-Louis dans Kilomètre Heure. Ah, Kilomètre Heure. Ouais, ok, super. Ça, puis des références à Histoire de filles, là, tu me perds un peu. Ça. Je sais pas, Histoire de filles. Histoire de filles. J'en regarde. C'est si bon, ça. Ah ouais, hein? Moi, j'aimais ça. J'écoutais ça, là, tous les jours. Ben, tous les jours que ça jouait. Tous les jours que ça jouait. C'est ça. Elle mettait sa cassette VHS, puis en fait, elle regardait ça deux fois par jour. En boucle. Minimum. Ça, puis ouais. Les Catherine. Les Catherine, hein? Ouais, ben oui. Ça, c'est moins pire, je pense. Ouais. Bon. Oui. David Ferron, merci. Ben, ça fait plaisir. Bye. Non, c'est ça. Va-t'en. Bon. Donc, David Ferron, une fois par mois, ici, au Palmarès, c'est fou, c'est la clé branchée le monde. Maintenant, on va sauter par-dessus quelques pièces de chaque côté. Du côté anglophone, on va sauter par-dessus les 17, 16 et 15. En 17e, c'est Patrick Watson avec Words in the Fire. En 16e, c'est Hot Panda avec Language. Et en 15e, c'est Well Driving West avec Painkillers. Du côté francophone, on saute par-dessus 18, 17, 16 et 15. Donc en 18e, Kid Kuna. En 17e, Trio avec Greenwashing. 16e, Dumas, L'heure et l'endroit. Et la 15e, La descente du coude avec Instinct domestique. Toutes ces pièces-là sont là depuis entre 4 et 8 semaines. Donc, c'est les plus vieilles qu'on peut sauter pour l'instant. On va aller tout de suite en 14e place. Du côté anglo, ce sera The Wallflowers et Hospital for Sinners qui montent de 6, qui était nouvelle la semaine passée. Mais tout d'abord, du côté franco, Danny Placard avec Angélique au numéro 14. Au revoir, c'est fou. Bye, David! Là, il peut le crier pour vrai, là, de loin. Mais on l'entend pas, là, parce qu'il crie pas assez fort, là, ça. Dans sa maison, à l'autre bout du Rhin. Où êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Numéro 14. numéro 13. Que Jackal, hein? c'est ce qu'on vient d'entendre. Avec la pièce Fall Around, c'était la 18e en nouvelle entrée, ça monte de 5 places. Et juste avant, on a entendu Ariane Moffat avec Hôtel Amour. Oui, Moff, on l'appelle Moff. Et on a débuté le tout avec Danny Placard et Angélique. Tout à fait vrai. On va être rendu aux 12e places en ce moment même. Avant ça, je vais vous dire que plusieurs choses s'en viennent plus tard. DJ Catarzy va être avec nous. S'en vient. Oui. Les gars d'Eastro. Eh oui, ça, j'ai hâte. Les instants classiques d'assemblage requis. Ça aussi, j'ai hâte. T'as un petit peu hâte. Un petit peu. Il y en a des pas pires là-dedans. Tu vas peut-être aimer mes jeux de mots. Je sais que t'es bien du public. Moi, je suis très bon. Il y en a des savoureux, je dirais. Ouais, des savoureux. Donc, 12e place du côté anglophone, ce sera Passion Pit et Constant Conversation. Mais tout d'abord, on va aller écouter Gros Méné avec Venus. Ben, quand ça, à Mané. Là. We'll be right back. plus distinguée et c'est la plus forte aussi. Et c'est sûrement pour elle qu'il me tape les multiples bêcheries. HNPT, la pièce Constant Conversation qui monte de 5 places en 12e anglophone. Et juste avant, on a entendu Gros Mené avec Vénus. C'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt avec Madame Moustache, The Gas Van Anthem, White Horse, Amélie, ainsi que les meilleurs moments d'assemblage requis. Ça promet. C'est comme la salpe le poivre, ça, sur la... Sur la soupe. La poutine, non? Moi, je mets du poivre sur ma poutine, c'est... Non! En tout cas, on s'en changera. Ouais, c'est ça, on fera une conversation là-dessus. Une constant conversation. Ouais. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. C'est quoi ça fait les disques qui s'en vont puis ils reviennent deux minutes après même pas? Ah. Ça s'appelle une pause. Une pause. On appelle ça une pause. C'est-tu une pause? Un break. A break. A break dance. Wiki. That's break dance. Break dance, c'est tout en rond comme du carton. Spin à terre. Pourquoi que j'ai spin sur du carton, ça, non? Ben, c'est full. Écologique. C'est écologique. C'est pour ça. C'est plus ou moins cher, c'est pas un plancher de danse à 2000$. Et voilà. Ou un nouveau pavillon à l'étudiante avec du béton qui gicle de partout. Hey, ça coule à chaud, cette affaire-là. Cool. Position numéro 11, du côté anglophone, il y aura The Gas Van Anthem et Handwritten. Mais du côté francophone, tout d'abord, Madame Moustache avec Maison Mobile. Pas-moi ton appareil qui gicle partout, pas-moi le. Comment il appelle ça? Un troc. Ah! Ah là là. Vous êtes au palmarès, c'est fou. On se peut plus. C'est une piscine pour ses gamins. Je m'étonnais de cette banlieue et de ce paysage. Mes yeux n'en pouvaient plus que l'horizon, seul moyen de guérison. J'ai gardé loin vers en avant, là où l'espace a tout son temps. Car c'est fini les compromis, face à l'exil, je suis partie sans faire de bruit, sans dire. J'ai mis ma maison dans mon sac. Je suis en piste, je vise en vol. Je m'arrêterai si je croise un petit chac. Avant de mourir sur du béton, j'arque les amarres. Je coupe les ponts du fond du vent. Monte le cri, partir, je suis en vie. Car moi je sais que j'ai ce qu'il faut. Je pars s'enfuir toujours plus haut. La tête haute, le vent dans le dos. Envers vers mon Eldorado. Numéro 11. and it travels from heart to limb to pen. make her father proud. Lovers wrapped up in cellophane, the bitter fruit is falling from its prey. I'm never going back, I'm running from the sun. Bullets at my heels, the devil's got a gun. I'm never going home, I'll be the only one with daylight on my tail. C'était du White Horse et on adore White Horse, ça c'est fou depuis quelques temps, je sais pas, depuis que c'était une nouvelle entrée il y a de cela trois semaines, là, ça joue sans cesse. Mm-hmm. Et ben, moi ce que j'aime, c'était le numéro 10 francophone, c'était Amélie avec La Fête. J'adore Amélie. Oui, t'as un certain parti pris pour Amélie. Un maudit bon parti pris. T'es amie avec Amélie, pas mal. J'aimerais ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on avait dit? Oh, on l'avait dit en onde celle-là, mais elle est tellement drôle, faut la répéter, tu sais. C'est la version française d'une fuck friend, Amélie. Fuck friend, une Amélie. J'étais pas là quand tu l'as dit. Non. Ben, t'as manqué quelque chose. J'ai manqué quelque chose. C'était un bon jeu de mots. Impopé. Mais ça, c'était qu'un préliminaire, si on veut, vers le plat principal. Attends un peu. Non, là, c'est deux analogies différentes. T'as le sexe puis la cuisine. Attends un peu. Le préliminaire vers la relation ou l'entrée qui mène au plat principal. Là, j'ai les deux analogies. J'suis tellement mêlé. C'est un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 29 octobre 2012. Peter, le samedi 17 novembre, c'est pas à côté de Gatineau, là, mais non. Si des fois ça vous tente d'aller visiter un petit coin, Peter Red Dodge. Toupette ou encore en anglais, all farts. C'est vraiment ça, non? Non. Non. Ça, c'est vraiment la traduction littérale de tout, fait. De tout, ouais, bon. Il manque des budgets, je sais pas. Mais c'est ça. OK, François? Oui. Super. Voilà pour cet effet pour aujourd'hui. Merci, Matt. Alors, hey, j'ai de la misère. T'as des bruits vocaux aujourd'hui. Ben oui, toi. Exact. David se fait aller à la tête comme si c'était genre incroyable, comme si c'était dans un manège. Excusez-moi, comment ça va? Ben, je tourne ma tête, Mathieu. François, Mathieu. Ouais? Je tourne ma tête, désolé. Uh-huh. Je vais aller piouquer, désolé. La langue dans ton oreille. Boule de poêle. Boule de poêle. Oui, félicitations, Geneviève Paradis. Bravo. Oui, Bonne main. Il applaudit comme un manchot, mais quand même. Comment t'applaudis sur ton avant-bras, mettons? Ça sonne pas du tout comme non, du non, non, mais bon. C'est un talent que t'as pas, faut croire. C'est... Oui! Non, pas de même à radio, toi. On dirait un chat. Hey, merci beaucoup, David. Un autre meilleur moment, David. Merci. T'en crées un après l'autre, ça, c'est comme une machine à meilleur moment. Meurtre et mystère. Hein? Ah, ouais. Oh. Mais je suis pas bon, j'ai pas deviné, non. T'as perdu. Ben, j'ai pas perdu, en fait, parce que... T'as juste pas gagné, c'est ça. Ouais, ouais. Non, c'est ça. C'est ça. Ah, que... Là, David est en train de mimer un couteau sur... c'est pas sûr que c'est ça qui mime. Pas sûr que c'est ça qui mime. Ça avait l'air de d'autres choses. Imaginez-vous là, mais... Bon, en tout cas, François-Olivier a le sourire d'en face. OK. On accueille notre nouvelle recrue, la rédactrice en chef, Journal Zone Campus, Stéphanie Paradis. On reçoit Adil Durocher. Ouais, en général, comme ça. Étant donné que Jasmine n'est pas là, avec ses différentes choses qui sortent de différents orifices. C'est dégueulasse, là. Ouais, mais j'ai rien dit. C'est pas du même. Non, je suis très, très poli en disant ça. C'est de poli. Ouais, moi, j'avais mis sa formulation à elle, mais... Son petit vomi. Mais oui. Oh. C'est mignon. C'est vraiment cute, hein? Mais oui. C'est vraiment cute. T'as envie d'en avoir un, toi aussi, tu sais, c'est ça? Non. Bon, ça va faire. Non. C'est le but de François Landry. Ouais, il nous fait parler comme ça le matin. C'est un gars mystérieux, c'est ça qui fait qu'on est comme attiré. Ouais. C'est chronique, là. Bon. Ah oui, tout à fait. Je sais pas s'il va se laisser pousser les moustaches, hein? Je sais pas, ben d'habitude, ça vient avec l'ensemble barbesque. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Mais seulement la moustache, je sais pas, on pourra lui demander. Non, je pense qu'il est physiquement incapable de se raser la barbe. Oh. Ça veut pas, le rasoir ne passe pas au travers de ses poils. Ben, c'est de l'autopromotion. C'est important pour nous et c'est important pour vous. Que ce soit important pour vous, que ce soit important pour nous. Tu m'as un peu perdu, mais j'imagine, ouais, écoute... Ça, je voulais faire de mes chroniques avec Denis Coderre, notre cher ami. Ben, faudrait l'appeler, maintenant. On va s'arranger ça. Allez, je pense que son numéro, ça commence par quel code régional? Je pense que c'est 514. Code 4289. Je comprends après avec le... Code. Non, là, répète. C'est quoi le code régional? OK. Pour que je puisse composer le numéro. 2 sur 10. Code. Oh, c'est... Non, là, ça me déçoit. Là. Code régional, c'est très bon. Ben, très bon. En tout cas. Son souper spaghetti annuel, parce que lui, il fait le plus gros party spaghetti au Québec. C'est un fait, là. Parmesan pas. Ah, celui-là est bon. Parmesan pas. Je te donne un... Rapide. Ah, ouais, du 10%. Ben, c'est de l'humidité du fromage. Parmesan. Je te donne un... C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 29 octobre 2012. Écoutez Assemblage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h. Ici même assez fou. Parmesan pas. C'est un de mes préférés, je pense, jusqu'à maintenant. Là. De l'histoire au complet, l'assemblage requis. Ça, il est code régional, mais il y a plein de gens qui la comprenaient pas. Mais quand même, pensez-y un petit peu. Des fois, faut réfléchir. Il y a un certain niveau là, d'intelligence requis là, pour écouter cette émission-là. On accepte tout le monde, par contre, même si vous ne comprenez pas, c'est correct. On vous apprécie quand même. Lundi au jeudi, 7h à 9h, avec François-Olivier Marchand et moi-même, Mathieu Plante. Soyez-y. Alors, on va continuer avec nos prochaines positions. Moi, je pense qu'on est rendu, si je ne me trompe pas, aux positions numéro 9. Du côté anglo, ce sera Hannah Georges et Robotic qui montent d'une place. Mais avant, voici Lisa Leblanc qui monte de deux avec Crab Dinner. Un petit peu déprimant comme chanson. Mais bon, au moins ça goûte bon. Hein. Encore une fois, du poivre. T'sais, sur la poutine, oui. Sur le Crab Dinner aussi. Du poivre. Voilà. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Hein. Des fois, j'oublie de dire. Faudrait pas dire ça à personne, mais j'aimerais ça t'écrire des poèmes avec des beaux mots qu'on comprend pas, ni un ni l'autre. J'aimerais ça qu'on se fasse une soirée avec des petites fleurs pis des chandelles, mais je trouve ça quétaine pour mourir, pis toi aussi. Au pire, on rira ensemble. On mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a de besoin. Au pire, on ira ensemble. On mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a de besoin. J'aimerais ça danser un slow avec toi, mais on est tous les deux trop maladroits. J'aurais peur de te marcher dessus pis te casser un orteil. J'aimerais ça qu'on se regarde dans les yeux pis qu'on se dise des belles affaires. Ça sortira peut-être tout à l'envers, ben au moins nous autres on se comprendra. Au pire, on rira ensemble. on mangera du Kraft Dinner. C'est tout ce qu'on a de besoin. Au pire, on rira ensemble. On mangera du Kraft Dinner. C'est tout ce qu'on a de besoin. De toute façon, il était rendu trop maigre. J'ai le cœur engraissé, mais c'est correct. De toute façon, il était rendu trop maigre. Numéro 9. Hannah Georges et Robotic, position numéro 9 qui monte de une, avant son entendu, Lisa Leblanc, et Kraft Dinner, qui monte de deux places. C'était Kraft Dinner pour ceux qui n'ont pas compris l'accent. En 8e place, du côté anglo, il y aura The Lodies tantôt, mais pour l'instant, voici Fanny Bloom et Mille Pertus. Après ça, on vient avec DJ Catardi, sa chronique. Ça va être palpitant, ça. Ah ouais. Oui. Des palpitations. Numéro 8. We'll be right back. de Ludies avec The Juggler, qui était en numéro 8 position anglophone cette semaine. Mm-hmm. En franco, c'était Émile Pertuis de Fanny Bloom qui descend de deux places. Tout ça, à l'heure. Ça ouais, tombe vas-y. Bien que je ne l'avais pas dit, le numéro francophone, parce que je l'aurais tout... Mille tout, petits fruits. Mille petits fruits de Fanny Bloom. C'est comme une bartender. Bon. Tout à l'heure, Atomic Baobab et Band of Skulls. Mais avant ça, on accueille DJ de Catardi. Oh, bonjour Mathieu! Salut! Ça va bien? Ça va très très bien. Salut Alex, c'est là. Salut Alex! Oui, allô! C'est ça que je faisais tantôt. Ok. Salut. Mais à la radio, on le voit pas. Oh, non, mais plutôt quand. Salut, tu vois, on vient de le dire puis on sait pas encore de quoi on parle. Ben on parle oui, de salut. C'était tellement tout. Bonjour. Tu pensais que c'était une salutation par rapport au fait que je venais de t'envoyer ma chanson puis que ouais. Je disais allô, tu sais. Ben, allô. La toune est là. Non, c'était une salutation pour Alex. Parle-moi pas de même. Ouais. J'étais tellement dans ma tête. J'étais tellement dans ma tête. Je l'ai même pas vu, moi. Fait que là, finalement, ouais. C'est dit officiellement. Allô? Allez. Passons aux choses sérieuses. C'est pas parle-moi pas de ça, c'est parmesan pas qu'on dit. Bon. Sérieux, j'ai dit. Sérieux. Bon, sérieux. OK, on arrête. Pas de blague. De quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle d'un chanteur R&B canadien mm-hmm. qui se nomme The Weeknd. Mm-hmm. Donc, son vrai prénom est Abel Tesfaye. Il est de Toronto. Et vraiment, c'est un gars très talentueux. Il a même été cité par un chroniqueur de MTV comme étant le best musical talent since Michael Jackson. Hein? Le meilleur talent musical depuis Michael Jackson. C'est un compliment, ça? On mettra pas en doute la crédibilité de MTV, mais reste que en fait... Jersey Shore! Jersey Shore. Ah, t'es dit avant toi. Ah. C'est ça que t'allais dire, hein? Ah. Jersey Shore! Snooki! Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. C'est ça, qui est pris Snooki croyait prendre. Mais bref, The Weeknd, c'est vraiment quelque chose qui gagne à être découvert. Donc, on va commencer par vous mettre à mettre l'entrée en matière, à mettre la table, par vous faire écouter une petite chanson, quand même assez... Je vais pas vous faire un dessin, mais c'est des sons très, très sensuels. Ah ouais? Ouais, c'est du R&B. OK, parfait. On écoute ça à l'instant. Dans la chronique de DJ Catardi. Ça a l'air sexy. I got a confession to make. I don't rush the day. Commitment is an enemy to me. But ever since my lips touched my face, it's like a kiss with space. I'm lean, I'm lean, I'm lean. I usually like to slow down the pace. Love to tease and play. But girl, I need to be direct with you. Cause in my mind, your force just replays. Like a broken tape. What you do, what you do, what you do. Gonna make a nigga buy a ring for your finger. Jimmy's for your feet. Jeans for that back. Lingerie for the sheets. Material. for your feet, jeans for that back, lingerie for the sheets, material girl, anything you need, and I'ma give it to ya, to ya. I'ma give it dans le fond, dans la chanson Material Girl, Girl, ça dit clairement ce que ça veut dire. C'est un. C'est comment qu'il s'éprend pour une fille qui est taxée sur le matériel. Ouais. Comment qu'il a envie de la gâter. Là. Ouais. Dans tous les sens. Ah, OK, ouais. Pas juste matériel. Ouais. Vive la société de consommation. Donc, c'est ça. Je viens d'apprendre à l'instant que The Weeknd a été en feature la semaine passée par la chronique de Jasmine Raymond Drainville. Non, c'était Justine Renaud. Ah, c'était Justine Renaud. Celle que tu vois pas parce que t'es en alternance avec elle. Ah, oui. Ouais. Oui, donc là, j'ai mélangé Jasmine et Justine. Ben, moi aussi, je fais la même chose. Il y avait deux J, là. C'est compréhensible. Ça finit par in. Ils sont tous les deux très, très in. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est que Justine Renaud est tellement hipster qu'elle a fait... elle a découvert ça une semaine avant, quand tardi quand même. Là. Ben en fait, non, découvert, c'est peu dire. Moi, j'ai déjà feature une chanson de The Weeknd il y a plusieurs mois. Donc, mais c'était une reprise. OK, ça compte pas. Ben, ça veut dire que je le connaissais, mais je préférais la version de Eli Goulding à la chanson Eye for This qui a été feature la semaine passée. Ça, c'est hipster. Wow. Ça, c'est très hipster. Mais bon, bref, The Weeknd, c'est tellement super cool qu'on a deux semaines de suite en parler. Des chroniqueuses mais c'est qui très, ont très rare. Parce qu'on a des mettons qu'on considère Assemblage Requis et Palmarès C'est Fou comme pas mal la même émission, parce que c'est moi les deux. On a plusieurs chroniques qui se doublent ou dédoublent dans le sens de qui parlent un peu de la même chose. Ça arrive jamais qu'on a deux fois la même chose de suite. Ça arrive pas. Il n'y a qu'une explication, c'est que c'est vraiment de la musique de qualité. Voilà. Et deux personnes de qualité qui nous en parlent. C'est bon, ça? Ben, je vais continuer de parler de parce que je me sens profondément mal à l'aise quand on parle de moi puis qu'on me fait des compliments. Donc, je vais continuer de parler de The Weeknd. Ouais. Puis, dans le fond, Abel Tesfaye a été un peu promu par Drake. Je sais pas si vous connaissez un peu Drake. D'ailleurs, ils ont fait une feature sur le dernier album de Drake. Oui, absolument. J'ai failli le présenter la chanson aujourd'hui, mais finalement, j'y étais pour un son un petit peu plus addictif. Puis, mais c'est ça. Comme je viens de le dire, c'est vraiment une musique qui rend accro. C'est de la musique de fin de soirée, voire lendemain de veille ténébreuse. C'est très cru. On dirait vraiment qu'il était gelé quand il a écrit ça. Ce qui est sûrement le cas. Oui, non, il y a vraiment un aura de mystère, de souffrance, puis de tension sexuelle. Mm-hmm. Puis, c'est le genre d'affaire que, tu sais, tu te sens... T'écoutes les chansons, ça peut à la limite traduire ta pensée, puis tu peux à la limite te sentir profondément coupable d'avoir pensé qu'est-ce que le chanteur a pensé. Tu sais. Faut prendre une douche après. Oui, c'est ça, c'est très dirty. Mais. Dirty, comme on l'a dit hier, alors qu'on avait la même conversation la semaine passée, excuse-moi. Dirty. Allons écouter tout de suite la deuxième chanson. Oui. Oui. C'est What You Need. What You Need. You don't gotta know it. don't gotta know. I got you on the floor, doing things you never thought you'd do. Baby, leave the high heels shoes, 'cause I love it when you're looking down at me. I'm looking up at you, and I don't give a damn, shawty, watch me knock your boots off. Oui, j'apprécie. Ouais. J'aime bien, même s'il a enregistré sa chanson dans une salle de bain, clairement. Peut-être mis un peu d'écho dans ses affaires. Peut-être un peu de reverb. Un peu de reverb, d'écho, puis... Ça sonne pas mal. C'est pas mal mieux que de l'autotune. Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est le genre de musique que tu penses pas trop, tu sais. Non, c'est ça. C'est pas bon pour penser. C'est bon pour d'autres choses. Ah ouais, hein? Ouais. Aussi sur le plancher de la salle de bain, si tu veux. Ça peut faire différent. Il y a de l'écho? Ben, ça met de l'écho dans la voix des bruits que tu fais quand t'es dans la salle de bain en train de faire ça, là. Alors, pas ça! On tombera pas sur ce terrain glissant-là! Ouais, glissant. Ça peut être glissant. Dépendant du produit que tu utilises pour faire ça. Slippery when wet. Oui, ribbed for her pleasure. Je sais pas. Oh, c'est non! Non, tu ramènes pas ça sur la table, là. Ça, c'était dirty! Très dirty. Ouais. Bon, on arrête ça là, puis on retourne... à l'essentiel. Donc, oui. C'était The Weeknd. J'espère que vous avez apprécié l'écoute. En tout cas, moi, j'aime vraiment cet artiste-là. C'est vraiment excellent. C'est le genre de truc que j'ai tout le temps sur repeat sur mon iPod. Je vous invite à regarder son album qui est gratuit, si je me trompe pas. Il était en show... Il est gratuit, si vous voulez qu'il soit gratuit. Là, il y a, ben, en fait, je pense que je sais pourquoi que moi et Justine, on en a parlé à peu près en même temps. Ouais. C'est qu'il était en show à Montréal lundi et mercredi. C'est pour ça, sûrement. Hier. Ouais. Donc, il y a un peu de ça. Bon, je suis un petit peu tard dans les nouvelles, mais de toute façon, il va revenir probablement. Il était à Oshiaga pendant l'été. Je l'ai manqué et c'est sûr que la prochaine fois, si je suis disponible, je suis de la partie. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant que, tu sais, Justine en a parlé la semaine passée, toi cette semaine, la semaine prochaine, qui va nous parler de The Weeknd? On s'habitue. Tu sais? Faut trouver un nouveau chroniqueur juste pour parler de The Weeknd. Ouais. On n'a pas le choix. Si tu veux. Oui, si je veux. Passe des petites annonces. Ah, ouais. Qui gigi. Donc, The Weeknd sans le E à la fin. Oui, sans. Ouais, c'est ça. Il y en a deux au début. W-E-E-K-N-D. C'est ça. Donc, voilà. C'est ce qui conclut ma chronique de cette semaine. Merci, DJ Catardi. C'est un grand plaisir. Est-ce qu'on te retrouve, je dirais, mettons, au Carlito? Oui, absolument. Ce soir, c'est le party de réouverture parce qu'ils ont comme redécoré, réaménagé le décor et ça va brasser quand même pas pire, je pense, ce soir. Évidemment, ça va probablement se terminer au temple. Oui. Puis. Au petit air. Ouais, c'est ça. Hier, c'était le party de l'Halloween au 10-12. Ouais. Et c'était vraiment l'Halloween. L'Halloween, là. Il était tout là, l'Halloween. LOL. C'était très loleux, là. Oh. C'était vraiment très, très drôle. Ouais. Ouais, c'était malade. Hmm. Belle soirée. Mal comme dans plein de vomi à terre, ça. Parce que ce matin, c'était collant. Dans les toilettes. Ouais. Hein. Dans les toilettes, j'ai eu assez peur. Hmm. Pas pour les bonnes raisons. Donc, ben, bonne fin de journée, Mathieu. Toi aussi, Colin, on patine, puis on dit des choses, puis on s'amuse, puis on fait des références comme douteuses un peu sur... Ouais, mais en bonne compagnie, ben, le temps passe si vite. Pourquoi s'en tenir? Au plaisir. Au plaisir, dans deux semaines. Yes. En rotation avec Justine, puis on essaiera de varier les sujets à partir de... Ouais, faudrait peut-être qu'on se parte une petite conversation pour se caler ça d'avance. Vous pourriez. On va faire ça. C'est bon. Bien dit. Alors, on va l'entendre les 7e places. Du côté anglo, ce sera Band of Scars et You're Not Pretty, But You Got It Going On. c'était une citation qu'on a entendue hier au 10-12. C'était pas cute, mais t'as quelque chose, fait que allons-y. Mais on commence en 7e franco. Stable, voici Atomic Baobab et le Viewmaster. On parle de C'est fou! Band of Skulls et You're Not Pretty But You Got It Going On qui descend de la troisième place en septième anglo. Et juste avant, on avait Atomic Baobab avec le Viewmaster qui est stable. Stable comme une... Puisqu'il était au numéro 7 et il est encore au numéro 7. Dans quelques minutes, la troisième heure débutera avec la musique de Grizzly Bear, les trois accords, Bernard Adamus et Toy. On a aussi une performance en direct de East Road. Oh que oui! Ouh, restez là! Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. C'est la troisième et dernière heure des Panoramas Ifou pour la semaine du 29 octobre au 4 novembre 2012. Elle, c'est Alexandra Caigne. Et lui, c'est Mathieu Plante. Ce sont nous. Waouh! Pour vous, avec vous. Oui, <H. rire> Donc, la troisième heure commence avec les sixièmes places. Du côté anglophone, ce sera Grizzly Bear et Sleeping Youth qui descendent de la deuxième place. Mais tout d'abord, on va aller entendre le numéro 6 francophone qui est les trois accords avec Pamboula. Parce que ça vous concerne. C'est pas l'arrêt, c'est fou. J'ai une belle voix, je sais. Oui, t'es bonne. T'as tout, ça. Je fais du feu et je danse et je tourne autour en vrille. Je tourne autour en vrille. Au fond du ravin, je fais du feu et je tourne autour en vrille. Tape dans mes mains, j'entends l'état de transe dans la lumière qui scintille, la lumière qui scintille. Tape dans mes mains, j'entends danse dans la lumière qui scintille. Et puis soudain, comme une envie de faire du feu dans le fond de la nuit. Et puis soudain, comme un m'appuie en uvante et puis je dessine un carré. Dès que je reviens en uvante, je dessine un carré. Dès le lendemain, une chaudière de cendre et je peins des points et des grilles et des points et des grilles. Dès le lendemain, une chaudière et je peinture et des grilles. Et puis soudain, comme une envie de faire du feu dans le fond de la nuit. Et puis soudain, faire du feu dans le fond de la nuit. Et puis soudain comme un besoin de ne plus rien remettre à demain. Bamboula, nous serons là. Bamboula, bamboula, bamboula, nous serons là. this night leaves. But I can't help myself. Yeah. scène. Colors Running Out. C'est la position numéro 5. Ça monte de la 13e. Et juste avant, on a entendu Bernard Adamus avec Arrange-toi avec ça au numéro 5. Il a fait une belle remontée puisqu'il était au numéro 9 la semaine dernière. On va être rendu aux positions numéro 4. Et puis, du côté anglophone, on apprend comme ça, breaking news, là, bip, bip, bip, bip, bip, bip, comme le font... le dit. C'est l'ancien numéro 1. Donc, ça veut dire qu'on a un nouveau numéro 1 d'ici la fin. Moi, j'en reviens pas. Je trouve ça, c'est relativement plutôt déplaisant. T'sais. Comme, mettons, The Theory of Relativity. Mais c'est l'ancien numéro 1. Je peux même permettre de faire tout le monde tout le temps. Là. Même si c'est supposé être réservé pour les numéros 1. Hein? OK, je te laisse aller cette fois-ci. Merci, ça passe. Mais tout d'abord, on va aller écouter le numéro 4 francophone qui est Bio Bazar avec Skyfish. Ah ben. Moi, j'achète comme, mettons, Bazar. Là, je suis parti sur une lancée, un bazar. Ouais, non, mais là, c'est parce que là, t'auras plus de jeux de mots pour les premiers. Je vais me vider la tête complètement. Peut-être que je devrais faire des jeux de mots à chaque pièce, ça pourrait me vider la tête, ça. Bonne idée, non? Comme ça, à la fin, il n'y en aura plus. Ça va gosser tout le monde, par exemple. Ouais. Garde ça pour la fin, hein? Oh! Hein? T'es si bon. Ça avait tellement l'air vrai. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Menteuse, es-tu menteuse? quand même, tu. Il est quelle heure, là? Minuit. Merci, mon brave. Bon. Où en étais-je? Ah oui. See this happening is in an extended ride north. If I fell apart, could you bring me? Stars et l'ancien numéro 1 de Theory of Relativity en anglophone, position numéro 4. Et du côté francophone, on a entendu Bio Bazaar avec Skyfish au numéro 4 qui a descendu d'une petite place puisqu'il était au numéro 3 la semaine dernière. Skyfish, bloup bloup! Bloup bloup bloup bloup! Un peu comme la salle de Louis fait poisson bloup bloup! Comme si tu volais dans le... Comme dans Mario, les oiseaux, les poissons qui volent? Comme ça ressemble à une douche, là, mais quand tu lèves ta main dans les airs, tu fais... On dirait que tu voles dans le ciel. Comme un Power Rangers. En tout cas, moi, j'ai mon image qui est très, très claire dans ma tête. Je sais pas pour vous, mais en tout cas... Ben, moi aussi. Mais bon, Power Rangers volent pas. Non, je ne crois pas. Robin des Bois vole aux riches pour donner aux pauvres. Ah oui. Ça, c'est vrai. Ah ben ouais. Ça n'a aucun rapport. Position numéro 3 maintenant, du côté anglophone. Ça monte incroyablement de 16 places, donc de la 19e. Ouch, quand même. Ben, pas ouch, ben, mais wow. Ouch, dans le bon sens, comme aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, C'est donc Diamond Rings et I'm Just Me. Et du côté francophone, on va aller écouter l'ancien numéro 1 de la semaine passée. Donc, oups, la laille, on en a de nouveau cette semaine. Alors, ça va être Tremblé avec Marie Plastique au numéro 3. Et ton Manolo aussi te fait dire aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tellement chaud. Oh là là. Chaud. Ça? C'est trop, hein? Non, non, il est chaud. Il est chaud. On va le dire. Maxime Desbiens Tremblay, il est chaud. C'est tout pas le même, c'est fou. C'est un show de radio. T'en mettre l'argent dans ton make-up. T'en mets du temps, mais t'es pas plus hot. T'es plus quelqu'un, t'es rendu quelque chose. Tu te regardes avec les yeux des autres. Des filles comme ça, y'en a toutes les sortes. Des beautés gâchées sur Photoshop. Qu'est-ce que tu prouves, à qui tu veux le prouver? Est-ce que tu trouves ou tu fais rien que chercher? Marie Plastique, Marie Plastique. Drop ton fer plat, tu travailles trop pour plaire. Ouais, t'as l'air plate, laisse donc tes cheveux se défaire. Marie, t'es belle, pose ton sourire avant que ton visage se déchire. Marie Plastique, Marie Plastique. Sentons ça te va bien, les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali, fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu peux rester tranquille, as-tu vu de quoi te l'air? Marie Plastique, je m'en fous que tu t'habilles en Chanel, en Versace, Gucci, Jean-Paul Gaultier. Tu vaux bien plus que de la ficelle. Marie Plastique, enlève-en donc ça te va bien, les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali, fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu veux rester tranquille, as-tu vu de quoi t'as l'air? Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Numéro 3. son or daughter. I'm nothing, just me. Love is a warm cloak, a trail of thick smoke leading me towards the fire. All I want are your lips, redder than rose hips, sleeping next to my desire. Show me what to live for and how to give more, because of you I believe. You and I can foment the perfect moment, freedom, nationality. numéro 2. Magic et Breathing Underwater, ça monte de 5 places en position numéro 2 anglo. Avant ça, on a eu Chinatown et Vivre les pieds nus qui montent de 2. Avant ça, on a aussi entendu les pièces qui sont en 3e place, donc du côté anglo, Diamond Rings et I'm Just Me, ainsi que Tremblay et l'ancien numéro 1, Marie Plastique. Il nous reste encore les numéros 1 à entendre, donc je vous dirai pas ce que c'est, faut pas écrire un petit peu de mystère là-dedans. Mais en ce moment, au Palmarès C'est Fou, on a l'honneur, le privilège et Colin, le plaisir, je pense, hein, c'est ça, de recevoir East Road. Et on va avoir une jolie petite performance de la pièce First Morning Light à l'instant. Voici East Road. A woman told me, boy, you better stay home tonight. Don't go waste your time and money with the girls downtown. But it's hard for me to stay. I need some kind of thrill.

complètement éparpillé. Faut pas dire c'était quoi le numéro 1. Non, t'allais le dire, mais non, parce que il faut faire comme si on les avait pas dit pour pouvoir moi, faire les jeux. J'ai rien dit. T'as rien dit. J'allais rien dire. Mais en tout cas. Moi, je t'écoute. Permets-moi de douter. Donc, numéro 1. T'as même pas confiance. Non, pas en tout. Tu sais, je te fais pas confiance. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Parce que je sais que ton cerveau est vif. Parce que toi, là, t'es partout en même temps. Tu t'intègres t'essaies dans tout. J'essaie de te rattraper en me donnant des compliments, là. Non, en fait, j'essaie de faire un jeu de mots. T'sais. Ok, continue. C'est raté, hein? T'es omniprésente. Je suis omniprésente, t'es partout. On t'entend au boudoir, on t'entend à l'assemblage requis, au palmarès, c'est fou, t'es dans la ligue d'impro, t'es partout, là. Je suis partout. Mais on t'aime pour ça. Ah ouais? Oui. Parce que je suis partout. C'est ça. Autant qu'on aime, mettons, en novembre, on aime les moustaches et les barbes, ouais. Ce que Damien Robitaille possède très bien. Oui, les deux. Oui. Moustache et barbe. Et le gars de Eastroad aussi. Oui. Félicitations. Il y a plein de monde qui ont des barbes et des moustaches. Plein de gens. Alors que de l'autre côté, il y a des animaux qui, eux, ont plusieurs membres. Comme, mettons, 8 membres. Tu veux pas que je fasse ça? Franchement, là, je veux dire... Non, plein de poils, plein de membres. C'est un méchant dans Spider-Man. Octopus? Ben oui. Je sais pas ça, moi. Je suis pas ça. Moi, je parlais de l'animal, la pieuvre. Bon. Ben, je sais, mais c'est un méchant aussi. Est-ce que je suis supposé me connaître tous les films comme si, mettons, tu sais, comme tout le monde dans un bloc appartement, mettons... Où est-ce qu'il y a... Ou juste qu'il y a un party, c'est ça? Où ils pourraient tous comprendre les références. Et dans la vie, faut que t'aimes les sports. Parce que comme ça, tu peux avoir le sujet de discussion, les sports, avec les gens dans ton bloc appartement. Ouais. Hein? Ou encore la météo. Oui. Météo qui, des fois, peut être de l'eau, eau, pieuvre. OK. Là, tu reviens à Octopus. Full circle, c'est ça. T'sais. Bon. Ouais. Alors, je vais faire un récapitulatif pour ceux qui n'ont rien compris de ce qu'on vient de dire. Alors, le premier, ben, le numéro 1 francophone qu'on vient de jouer, c'était Omniprésent de Damien Robitaille. Et le numéro 1 anglophone, vous l'aurez deviné, c'est Octopus du groupe Block Party. Oui, c'est avec ça qu'on va se quitter dans quelques secondes. Il faut qu'on se dise au revoir. On repasse, enfin, on va être de retour la semaine prochaine, jeudi, entre 15h et 18h. Oui. Et après nous, c'est Mathieu Roy et son émission Soirée au coin du feu. Exactement. Ça s'en vient dans quelques minutes. On repasse aussi les vendredis soirs entre 17h et 20h. Reste à l'écoute pour Skypunka avec les camarades B. Et finalement, on repasse les lundis entre 14h et 17h. Reste à l'écoute parce qu'à 18h, ce sera le boudoir. Exactement, le boudoir. Moi et Mélissa Beaupré. On vous passe de la bonne musique et des belles chroniques à chaque semaine. On vous foufouine, qu'est-ce que ça veut dire? J'allais bafouiller. Ouais. J'ai presque pas fait. Non. Si tu ne l'avais pas pointé. C'est mon genre. Donc, on se quitte avec le numéro 1 anglophone, comme on disait, Black Party, Octopus. Passez une excellente semaine, fin de semaine, journée, nuit. Tout. Il y en a qui nous écoutent la nuit, sûrement, non? Sûrement. Bye. Merci, Mathieu Plante. Merci toi, à toi, Alexandra Carignan. Merci aussi à DJ Catardi. Oui. Et à David Ferron aussi. David Ferron, c'est vrai, on l'oublie. Tout le monde, merci. C'est pas dur à oublier David Ferron. C'est... Bye. C'est vrai à oublier. T'essayes maintenant.